Ça, bah voilà, j'allais oublier d'enregistrer. Je répète, bonjour à tous. Nous sommes en direct pour ce direct live from the Alsace du 26 juillet 2009. Il est 17h heure française, 15h en temps universel. Et au programme, on va déjà faire passer déjà de la musique du rock alternatif, ou en tout cas des choses que j'ai classées moi-même comme telles. Je ne garantis pas que mon classement soit absolument exact, donc c'est simplement, ça me permet, j'essaye surtout de grouper un petit peu des choses du même genre par émission, ce qui facilite un peu le téléchargement. Des émissions par thème, par style musical tout simplement. Et donc on va laisser d'abord courir un petit peu ce générique de l'émission qui s'appelle Ré bémol et glitch, qui est candidat à être remixé aussi. Ce générique est sous licence art libre. Alors que cette émission par contre est sous licence Creative Commons by NCND. Pour l'ensemble de l'émission, mais les musiques, elles, conservent leur licence d'origine. Et le premier morceau de cette émission, ça va être Alexis Chateaugris. Je salue d'ailleurs pour commencer tous les gens qui sont déjà sur le chat, c'est-à-dire Julquien, Machelou et Dick Shadow, qui sont déjà présents donc sur ce chat. Le chat donc dont je rappelle le chemin d'accès. Vous cliquez donc en dessous de la radio. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas s'afficher ? Il y a une autruche en haut à gauche, puis il y a écrit On Air avec une radio. En dessous de la radio, il y a marqué Planning de la radio. Eh bien, c'est sur ce Planning de la radio que vous cliquez, puis sur le bouton Accès au chat en Java. Il y a également, pour les infos de pistes, vous pouvez également voir sur le forum ce qui se passe dans la partie Radio Dogmazik. Je vois qu'il y a d'ailleurs sur le forum encore des interventions à propos de... de Javanzouille en fait hein. Avec notamment encore quelqu'un qui se trouve sur à la fois sur Javanzouille et à la SACEM, ce qui est absolument incompatible. Où est-ce que je... Donc ça, on peut fermer. On va sur Index du Forum, Radio Dogmasique, sur... voilà. Et ben... Donc, premier morceau, disais-je tout à l'heure, donc je retourne sur ma liste de chansons qui sont déjà prêtes, Ratatouille. Encore un petit peu de légumes, hein, on avait fini déjà par du légume la dernière fois, ben, on continue avec le légume. D'ailleurs, c'était aussi du Château Gris. Et ça fait partie de l'album Banane Libre. Donc Alexis Chateaugris qui a son site internet chateaugris.com, tout simplement, en un seul mot, Chateaugris, qui, sur lequel vous pouvez trouver l'intégralité de ses albums. Sur Dogmasique, il n'y a plus tout à fait tout, il en manque déjà un petit peu, il n'a pas tout laissé. Mais tout se trouve sur son site officiel, que vous pourrez donc télécharger tout ça au format MP3. Et son morceau, comme la plupart de tout ce qu'il fait d'ailleurs, c'est sous licence Creative Commons by NCSA 3.0. Et je vous aurai d'ailleurs aussi sur le forum. Et également pour ceux qui ont cette émission en téléchargement par archive.org, par le BitTorrent ou par Emule, ou par Mininova, eh bien là il y a une page HTML qui est jointe avec également toutes les infos de piste, et là vous pouvez également télécharger donc les morceaux à l'unité. Donc sans plus attendre, on vous envoie je balance la ratatouille. Je suis dans le monde. Et on passe du légume à la viande avec non plus de la musique cette fois-ci, mais évidemment sous les licences libres, on peut mettre également toutes sortes d'œuvres, du texte, de la photo, de la vidéo, absolument tout ce qu'on veut. Et par exemple des contes, donc par Véronique Pedrero, le chêne de l'ogre. Qui est un conte hein, qui est en fait elle s'appartient elle diffuse ça avec le net label Poussière d'Histoire auquel ben elle participe beaucoup d'ailleurs et ce conte est sous licence art libre. Donc vous avez c'est une œuvre que vous pouvez diffuser sous certaines conditions sous la même licence. On peut modifier également cette œuvre sous certaines conditions et sous la même licence. Et dans tous les cas, il faut citer le nom de l'auteur. Et puis, si on a modifié, la nature des modifications, l'auteur des modifications, il y a certains droits qui restent réservés. Donc, néanmoins, bon, bah, faudra consulter, en fait, si vous cherchez sur Gogol licence art libre, normalement, vous devriez tomber dès la première page sur l'intitulé de cette licence, vers le texte qui vous précise exactement ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que vous avez le droit, bah, maintenant, vous avez le droit de l'écouter, Le chêne de l'ogre par Véronique Pedrero. Histoire sa cause, qu'est-ce que c'est bavard. Si t'entends une histoire à l'intérieur de ton oreille, c'est forcément que tu t'es pas trompé. Alors, prends tes précautions et retourne chez toi avec ce que tu as trouvé. Vas-y lentement, sans t'agiter, sans la réveiller l'histoire, sinon elle va pas arrêter de causer. Les histoires, c'est comme ça. C'est toujours extrêmement bavard. Cette histoire est comme un long fil. Je vais la conter à des seigneurs. Il y avait une petite cabane à l'autre bout du village. Et dans cette petite cabane vivait un vieux. Oh, il était vraiment vieux. Vieux, très très vieux, plus que vieux, tellement vieux qu'il ne pouvait même plus sortir de son lit. Chaque jour, sa petite fille vient le voir. Elle s'appelle Aïcha. Elle a des yeux qui brillent comme des soleils. Elle a de grands cheveux qui descendent sur ses épaules. Elle court dans la poussière du chemin, elle apporte à manger à son grand-père et lorsqu'elle arrive derrière la porte de sa maison, elle se met à chanter. « Ouvre-moi la porte, ô mon père Inouba, ô mon père Inouba !» Et le vieux, du plus profond de son lit, là où il est tout le temps, quand il ne peut pas sortir, il dit « Fais teinter tes petits bracelets. » « Oh, Aïcha, ma fille !» Aïcha porte toujours des tas de bracelets autour de son poignet. Elle fait tourner son poignet ainsi et... Le grand-père, reconnaissant le bruit des bracelets de sa petite fille, tire sur la ficelle qui est accrochée à la porte de l'entrée, à la poignée. La porte s'ouvre et sa petite fille entre. Tous les jours se passent exactement de la même façon. Tous les jours, Aïcha vient, elle tient... compagnie à son grand-père, reste un bon moment avec lui et elle s'en retourne chez elle. Seulement, dans la forêt qui est toute proche, il y a un ogre. Il a bien vu le manège, les jours après les jours qui se sont succédés. Ici, il est resté et il a observé. Cette chanson, il l'a apprise tout par cœur. Et un jour qu'Aïcha n'est pas là, il vient se planter derrière la porte de la maison du grand-père et il chante presque de la même manière. Ouvre-moi la porte. Oh, mon père, il nous bat. Oh, mon père, il nous bat. Sauve-toi, maudit, dit le vieux. Je sais qui tu es. Tu n'es pas Aïcha, ma petite fille. Tu voudrais peut-être te faire passer pour elle, mais c'est raté. Je suis peut-être vieux, ça c'est certain, malade. Mais je ne suis pas gâteux. Fiche le camp de là, ogre, ogre de la forêt. Tu ne mourras pas, tu ne me mettras pas au fond de ton ventre. L'ogre fait demi-tour, retourne au plus profond de la forêt et va voir un sorcier. À ce sorcier, il demande de lui forger une voix aussi fine et aussi claire que celle de Aïcha. « Voilà ce que tu vas faire, dit le sorcier. Va acheter un pot de miel. Trouve un endroit dans la forêt. Allonge-toi sous l'ombre des arbres et ouvre grand la bouche. Ensuite, mets au fond de ta gorge du miel. Badigeonne-toi le fond de la gorge et laisse venir les fourmis. Elles vont entrer, sortir. Attends longtemps, sois patient. Ainsi, ta voix sera aussi fine et aussi claire que celle de Aïcha. L'ogre est tout content. Il va s'acheter un énorme pot de miel. Cherche un bel endroit dans la forêt pour s'installer. S'allonge sous l'ombre des arbres. Il ouvre grande la bouche et il se badigeonne le fond de la gorge. Et il les laisse venir, les fourmis. Elles entrent, elles sortent longtemps. Au bout d'un moment qu'il juge suffisant, l'ogre referme le pot de miel, retourne chez le grand-père, se met derrière la porte et avec cette nouvelle voix, il se met à chanter. Ouvre-moi la porte, oh mon père, il nous. Sauve-toi, maudit, dit le vieux. Je sais qui tu es. Tu es l'ogre, l'ogre de la forêt. Et tu veux peut-être me mettre au fond de ton ventre. Je suis peut-être vieux, ça c'est certain. Je suis fatigué, je suis malade. Mais je ne suis pas gâteux. Fiche le camp de là, maudit. L'ogre reprend le chemin de la forêt. Il cherche ce bel endroit où il s'était installé auparavant. Il s'allonge sur l'herbe en dessous du feuillage des arbres. Il ouvre son pot de miel. Il s'en badigeonne abondamment le gosier et il attend la bouche grande ouverte. Les fourmis, qu'est-ce qu'elles font? Elles entrent longtemps. L'ogre range son pot de miel, désormais vide. Retourne chez le grand-père, se met derrière la porte. Reprend son souffle et se met à chanter. Ouvre-moi la porte. Oh, mon père, il nous bat. Oh, mon père, il nous bat. Fais teinter tes petits bracelets. Oh, Aïcha, ma fille, dit le grand-père. L'ogre a tout prévu. Il a autour du poignet une chaîne qu'il fait cliqueter de mille manières. Le vieux tire sur la ficelle. La porte s'ouvre. L'ogre entre. Il saute sur le grand-père. Il dévore le pauvre vieux. Puis il se met à l'intérieur du lit. La porte est bien fermée. Et il attend. Il attend, j'ai dit. Il attend. Pendant ce temps, Aïcha est arrivée derrière la porte de la maison de son grand-père. Elle voit, en dessous de la porte, avant de chanter, un filet de sang qui a coulé. « Il est arrivé un malheur à mon grand-père, se dit Aïcha. » Elle va chercher un gros morceau de bois qu'elle met en travers de la porte, et pour être certaine, elle se met à chanter. « Ouvre-moi la porte. Oh, mon père, il nous bat. » Oh, mon père, il nous bat. Fais tâter tes petits bracelets. Oh, Aïcha, ma fille, dit l'ogre. C'est pas la voix de son grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé? le sang en dessous de la porte qui a coulé. Aïcha repart très vite. Elle court jusque chez elle. Elle dit, ce doit être l'ogre, l'ogre de la forêt. Elle raconte. Ses mots se mélangent. Elle ne sait plus où donner de la tête. Ses parents écoutent et puis... Ils réunissent tous les voisins. Ils réfléchissent ensemble. Et ils prennent la décision de retourner chez le grand-père. Et là, autour de la maison, ils mettent des fagots de bois bien disposés, les uns à côté des autres. On prend une allumette et... Le feu a jailli. Les flammes sont montées, hautes et claires. L'ogre, à l'intérieur de la maison, tambourine derrière la porte. Il dit « Laissez-moi partir! Laissez-moi! Je ne ferai de mal à personne! Le grand-père qui est à l'intérieur de mon ventre, je le laisserai! Il sortira! Laissez-moi! Laissez-moi! » dit l'ogre. « Laissez-moi partir! » Sa voix était forte au début, très forte même. Mais au fur et à mesure de cette histoire, elle s'est étiolée jusqu'à n'être plus qu'un petit filet de fumée. De cette histoire, il n'est plus rien resté. Oh, si, peut-être quelques mots de mémoire. Lorsque j'ai tourné le dos à cette histoire, à cet endroit précisément, là où les mots avaient glissé, un chêne au milieu des pierres fumantes avait poussé. On dit que c'est le chêne de l'ogre désormais, et on le montre aux passants. Mon conte est comme un long fil. Je l'ai conté à des seigneurs. Cette histoire, c'est pas la mienne, et pourtant. Cette histoire vous a été proposée par moi, Véronique Pedrero, de la compagnie Poussière d'Histoire. Et c'était Véronique Pedrero qui nous a conté le chêne de l'ogre. Et pendant ce temps, moi aussi, j'en ai profité pour aller m'enfiler un casse-croûte. C'est donc rassasié que je reviens pour la suite musicale proprement dite de ce programme avec HPFF de Hanky Panky Funny Family. C'est Hanky Panky qui nous fait ça sur l'album Hanky Panky également. Donc un peu de rock alternatif sous licence Creative Commons by SA. Il y a un morceau autoproduit. Alors à noter que ce groupe sera le 19 septembre 2009 invité de les soirées musicales Notes d'espoir de Chasseneuil dans le Poitou-Charente. We'll be right back. Alors évidemment, je ne pouvais pas louper ça de parler de la Hadopi 2, donc qui a été votée, qui n'a pas été votée, qui a été discutée à l'Assemblée nationale, mais déjà, il y a eu un couac, paraît-il, parce qu'il y aurait eu 900 amendements, mais l'abattage qui a eu lieu pour les examiner, ce n'est pas ça qui a, ça n'a pas permis à ces amendements de ralentir et de reporter le vote. La véritable raison, c'est que tout simplement, il n'y avait pas assez de députés UMP qui s'étaient déplacés pour ça. Pour la commission d'examen, le seul député présent de l'UMP était un député anti-Hadopi. Donc ça faisait un petit peu désordre. Et donc ça va être reporté en fait au 23 septembre ou quelque chose comme ça pour le vote, si je ne me trompe pas. Alors voilà ce que un texte de la Quadrature du Net sous licence Creative Commons by SA. Voilà ce qu'ils disent. Alors que l'examen du projet de loi Hadopi se poursuit à l'Assemblée nationale, les contre-vérités s'accumulent, le gouvernement et la majorité font état de leur méconnaissance profonde des réalités technologiques et sociétales. Dans cette tentative de contournement de la décision du Conseil constitutionnel, les vrais enjeux du texte sont totalement ignorés. Toutefois, cet acharnement à imposer la riposte graduée ne saurait masquer les nombreuses failles de ce projet de loi. Le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, et le ministre de la Justice, Michel Alliot-Marie, refusent de participer au débat et ignorent les motifs flagrants d'inconstitutionnalité du projet de loi Hadopi 2. Ce dernier maintient la présomption de culpabilité relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2009. Le gouvernement s'obstine également à imposer une peine de suspension de la connexion Internet prononcée dans le cadre de l'ordonnance pénale, une procédure judiciaire expéditive jusqu'ici réservée à des infractions faciles à établir, donnant lieu à des sanctions mineures. La justice expéditive instaurée par l'Hadopi 2 au mépris des droits de la défense et de la liberté d'expression est une dérive dangereuse. Le silence pesant des ministres et des députés de la majorité sur ces sujets fondamentaux constitue un véritable déni de démocratie, s'indigne Jeremy Zimmerman, porte-parole de la Quadrature du Net. En plus de ces menaces pesant sur les libertés individuelles, les contresens s'accumulent sur la nouvelle donne culturelle, Internet est en permanence assimilé aux médias traditionnels, un petit peu un Minitel, quoi, et ses caractéristiques fondamentales sont niées. Cette technologie révolutionne pourtant la diffusion de la connaissance et peut servir le progrès démocratique à condition d'en respecter le principe originel qui est la libre circulation de l'information. De nouveaux droits doivent ainsi être accordés au public afin de repenser l'économie de la création. Cette vision extrémiste et répressive du droit d'auteur ne pourra jamais permettre aux artistes et à leur public d'avancer dans l'ère numérique. Il faut se libérer du contrôle qu'exercent les grands groupes du divertissement sur la culture, de leur modèle économique dépassé et de leur influence néfaste sur la majorité. L'Adopi demeure plus que jamais une usine à gaz dangereuse et vouée à l'échec, conclut Zimmerman. Également, donc, il y a également Numérama qui s'occupe de Adopi, alors sous une licence Creative Commons, mais il ne précise pas laquelle. Donc, grosso modo, il s'agit de l'examen marathon législatif destiné à réprimer le téléchargement en France qui est arrivé à son terme, ou presque, puisque vendredi, après 40 heures de débat, l'Assemblée a terminé l'examen des 13 articles du projet de loi de protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet. Mais conformément à ce qui avait été annoncé en début de semaine, le vote solennel n'aura lieu qu'à la mi-septembre, à l'ouverture de la prochaine session parlementaire. Et dans l'attente, chaque camp essayera de mobiliser le maximum de députés pour voter pour le texte ou pour voter contre, par la main ou par les pieds. Les députés ont ainsi validé cette semaine chacun des articles qui prévoient en substance que les agents de l'Adopi, autorité administrative, auront des prérogatives de police judiciaire pour constater, d'après les relevés effectués par les ayants droit, les téléchargements illégaux et transmettre les dossiers du parquet. Que le téléchargement illégal réalisé par Internet est passible au maximum d'un an de suspension d'abonnement à Internet, d'une peine de 3 ans d'emprisonnement, de 300 000 euros d'amende et du paiement de dommages et intérêts. Que l'abonnement dont l'accès à Internet, malgré un avertissement reçu par courrier recommandé, aura été utilisé pour télécharger illégalement, est passible d'une contravention de 3 750 euros pour négligence caractérisée et d'une peine d'un mois de suspension de l'accès à Internet s'il n'a pas sécurisé son accès en bon père de famille. Que la procédure pénale utilisée par défaut sera l'ordonnance pénale, une procédure écrite par juge unique, sans jugement contradictoire, en principe basée sur des preuves réputées fiables, à moins que l'une ou l'autre des parties ou le parquet demande un jugement devant le tribunal correctionnel. Que l'abonné dont l'accès est suspendu continue de payer son abonnement pendant la période de suspension. Que la personne condamnée sera condamnée à 3 750 euros d'amende s'il s'abonne chez un fournisseur d'accès Internet concurrent pendant la période de suspension. Que les juges auront à trouver eux-mêmes l'équilibre entre protection des droits d'auteur et protection des droits des internautes lorsqu'ils prononceront la suspension de l'accès à l'Internet. Et qu'ils devront même juger de l'interopérabilité ou non des moyens de sécurisation labellisés par l'Adopi. Alors, le président a eu raison de vouloir aller jusqu'au bout car il est urgent de défendre les droits d'auteur dans notre pays. C'est ce que disait le rapporteur Frank Rister qui rejetait un moment où il rejetait un amendement qui proposait de renommer le texte en projet de loi visant à aller jusqu'au bout en instaurant une justice TGV. Alors, grosso modo, bon, il y a un article en fait, tout simplement, vous allez sur numerama.com, c'est l'article 13558. Qui date du 24 juillet 2009 à 17h06. Donc, Voilà pour ce qui est de la Dopi et ben un peu de retour, un petit peu de musique de nouveau avec System 1 par donc ça c'est le titre par Silence de Silence Industry. System 1, donc on reste dans le rock alternatif et l'album s'appelle Dead Words Stolen from the Walls of Brave New Cell Blocks. Oh là, compliqué, hein. Je suis pas toujours copain avec l'anglais. Ce sous licence Creative Commons by NCND 3.0, comme toutes les productions du net label Eclipse. Et c'est d'ailleurs là-bas que vous pourrez trouver le morceau pour pouvoir le télécharger. Donc tous les liens seront en fait postés sur le forum ou bien seront joints à la page HTML si vous téléchargez en fait ça sur archive.org ou par la mule ou par le ou bien si vous vous faites déverser cette émission en torrent. Oh, Eh bien, c'est la fin de la première partie de l'émission. On passe à la deuxième partie. L'émission est divisée en trois morceaux, comme toujours, pour des questions techniques. Et donc, la première partie de l'émission, comme la deuxième, sont sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Mais les musiques conservent leur licence d'origine.